sauter, madame la misère s'étonne que rien ne passe. À travers ses doigts collés sur ses petits apartés, les fenêtres sont ouvertes, le son d'une alarme passe. À travers l'énergie d'un zébulon coqué jusqu'au cœur, la chasse est ouverte et l'archer tend la corde. Les saisons tournent encore et les souffleurs vérifient que rien ne dépasse. Un astrolabe passe pour toi et te camus de l'empathie. Il est tenu par un Boeing 747 qui dans le ciel efface toute trace de son passage, toute trace de son passage. Mais dis-moi, on t'avait jamais dit que les avions se cassent. Ce qui est grave est que nous savons qu'après l'ordre de ce monde, il y en a un autre. Quel est-il? Nous ne le savons pas. Le nombre et l'ordre des suppositions possibles dans ce domaine est justement l'infini. Et qu'est-ce que l'infini? Au juste, nous ne le savons pas. Le cruel